Les comités Nord, Sud et d'Outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin ont lancé le 15 courant un appel du Comité commun national pour l'application de la déclaration commune du 15 juin. L'appel dit notamment « Nous appelons à respecter et appliquer à fond les déclarations conjointes Nord-Sud, jalons de la réunification nationale, pour améliorer les rapports Nord-Sud et réaliser activement l'entente et l'unité nationale. Nous appelons à enrayer la démagogie, la calomnie et les menées de guerre, entraînant l'antagonisme, la méfiance et l'hostilité au sein de la nation et causant l'affrontement et la guerre. Nous appelons à faire réussir à Séoul à coup sûr les activités communes nationales et le match de football des ouvriers Nord-Sud pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie et à organiser les rendez-vous de toutes les couches, dont les jeunes étudiants, paysannerie, femmes, les tresses, la science et la religion, pour ainsi attiser le climat de l'amélioration des relations Nord-Sud et marquer une phase nouvelle de la réconciliation et de la collaboration. Nous appelons à renforcer la solidarité dans la lutte contre les machinations japonaises de réagression visant à violer le territoire et la souveraineté de notre nation sous prétexte de la tension militaire dans la péninsule coréenne et pour les droits nationaux et le droit à l'existence des ressortissants coréens au Japon. Nous appelons à ouvrir une nouvelle époque de la paix et de la réunification, une seconde époque de la réunification du 15 juin, étroitement unie sous la bannière de la déclaration commune Nord-Sud.